Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Nous vous présentons aujourd'hui la première partie de Metzengerstein d'Edgar Allan Poe, telle que lue par Stanley pour audiocité.net. Metzengerstein par Edgar Allan Poe. Pestis eram vivus, moriens tua mors ero. Martin Luther. L'horreur et la fatalité se sont donné carrière dans tous les siècles. À quoi bon mettre une date à l'histoire que j'ai à raconter? Qu'il me suffise de dire qu'à l'époque dont je parle, existait dans le centre de la Hongrie une croyance secrète, mais bien établie, aux doctrines de la métempsychose. De ces doctrines elles-mêmes, de leur fausseté ou de leur probabilité, je ne dirai rien. J'affirme toutefois qu'une bonne partie de notre crédulité vient, comme dit la Bruyère, qui attribue tout notre malheur à cette cause unique, de ne pouvoir être seul. Mais il y avait quelques points dans la superstition hongroise qui tendaient fortement à l'absurde. Les Hongrois différaient très essentiellement de leurs autorités d'Orient. Par exemple, l'âme, à ce qu'ils croyaient, je cite les termes d'un subtil et intelligent parisien, ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible. Ainsi, un cheval, un chien, un homme même, ne sont que la ressemblance illusoire de ces êtres. Les familles Berlifitzing et Metzengerstein avaient été en discorde pendant des siècles. Jamais on ne vit de maison aussi illustre réciproquement aigrie par une inimitié aussi mortelle. Cette haine pouvait tirer son origine des paroles d'une ancienne prophétie. Un grand nom tombera d'une chute terrible, quand, comme le cavalier sur son cheval, la mortalité de Metzengerstein triomphera de l'immortalité de Berlifitzing. Certes, les termes n'avaient que peu ou point de sens. Mais des causes plus vulgaires ont donné naissance, et cela sans remonter bien haut, à des conséquences également grosses d'événements. En outre, les deux maisons qui étaient voisines avaient longtemps exercé une influence rivale dans les affaires d'un gouvernement tumultueux. De plus, des voisins aussi rapprochés sont rarement amis. Et du haut de leur terrasse massive, les habitants du château Berlifitzing pouvaient plonger leur regard dans les fenêtres mêmes du palais Metzengerstein. Enfin, le déploiement d'une magnificence plus que féodale était peu fait pour calmer les sentiments irritables des Berlifitzing, moins anciens et moins riches. Y a-t-il donc lieu de s'étonner que les termes de cette prédiction, bien que tout à fait saugrenus, aient si bien créé et entretenu la discorde entre deux familles déjà prédisposées aux querelles par toutes les instigations d'une jalousie héréditaire? La prophétie semblait impliquer, si elle impliquait quelque chose, un triomphe final du côté de la maison déjà plus puissante, et naturellement vivait dans la mémoire de la plus faible et de la moins influente, et la remplissait d'une aigre animosité. Wilhelm, comte Berlifitzing, bien qu'il fût d'une haute origine, n'était à l'époque de ce récit qu'un vieux radoteur infirme et n'avait rien de remarquable, si ce n'est une antipathie invétérée et folle contre la famille de son rival, et une passion si vive pour les chevaux et la chasse que rien, ni ses infirmités physiques, ni son grand âge, ni l'affaiblissement de son esprit, ne pouvait l'empêcher de prendre journellement sa part des dangers de cet exercice. De l'autre côté, Frédéric, baron Metzengerstein, n'était pas encore majeur. Son père, le ministre G, était mort jeune. Sa mère, Madame Marie, le suivit bientôt. Frédéric était à cette époque dans sa 18e année. Dans une ville, 18 ans ne sont pas une longue période de temps, mais dans une solitude, dans une aussi magnifique solitude que cette vieille seigneurie, le pendule vibre avec une plus profonde et plus significative solennité. Par suite de certaines circonstances résultant de l'administration de son père, le jeune baron, aussitôt après la mort de celui-ci, entra en possession de ses vastes domaines. Rarement on avait vu un noble de Hongrie posséder un tel patrimoine. Ses châteaux étaient innombrables. Le plus splendide et le plus vaste était le palais Metzengerstein. La ligne frontière de ses domaines n'avait jamais été clairement définie, mais son parc principal embrassait un circuit de 50 000. L'avènement d'un propriétaire si jeune et d'un caractère si bien connu, à une fortune si incomparable, laissait peu de place aux conjectures relativement à sa ligne probable de conduite. Et en vérité, dans l'espace de 3 jours, la conduite de l'héritier fit pâlir le renom d'Hérode et dépassa magnifiquement les espérances de ses plus enthousiastes admirateurs. De honteuses débauches, de flagrantes perfidies, des atrocités inouïes, firent bientôt comprendre à ses vassaux tremblants que rien, ni soumission servile de leur part, ni scrupule de conscience de la sienne, ne les garantirait désormais de sécurité contre les griffes sans remords de ce petit Caligula. Vers la nuit du 4e jour, on s'aperçut que le feu avait pris aux écuries du château Berlifitzing, et l'opinion unanime du voisinage ajouta le crime d'incendie à la liste déjà horrible des délits et des atrocités du baron. Quant au jeune gentilhomme, pendant le tumulte occasionné par cet accident, il se tenait en apparence plongé dans une méditation, au haut du palais de famille des Metzengerstein, dans un vaste appartement solitaire. La tenture de tapisserie riche, quoique fanée, qui pendait mélancoliquement au mur, représentait les figures fantastiques et majestueuses de 1000 ancêtres illustres. Ici, des prêtres richement vêtus d'hermine, des dignitaires pontificaux, siégeaient familièrement avec l'autocrate et le souverain, opposaient leur veto aux caprices d'un roi temporel, ou contenaient avec le fiat de la toute-puissance papale le spectre rebelle du grand ennemi, prince des ténèbres. Là, les sombres et grandes figures des princes Metzengerstein, leurs musculeux chevaux de guerre piétinant les cadavres des ennemis tombés, ébranlaient les nerfs les plus fermes par leur forte expression. Et ici, à leur tour, voluptueuses et blanches comme des cygnes, les images des dames des anciens jours flottaient au loin dans les méandres d'une danse fantastique, aux accents d'une mélodie imaginaire.